Sœur jumeau, frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Ne parle qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus, qui n'en pourra rien attendre. Je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous seul à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Merci. Tu me fais l'honneur d'être là. Morane. Merci. C'est du bonheur. Merci beaucoup.